Nous avons le plaisir ce matin d'entendre Marielle Massé qui va nous parler de, qui va nous entretenir sur le thème style documentaire ou la vie qualifiée. Je ne dirai pas plus, puisque beaucoup d'entre vous ont déjà lu le livre, ou ah bon au moins quelques-uns de nos étudiants. Tant pis, on va partir tout de suite. Donc, d'où l'intérêt de te laisser parler. Oui, merci. Merci Jean-Bernard. Oui, je sais que c'était compliqué pour la plupart d'entre vous. Le jour a changé, l'horaire a changé, la salle a changé. Donc, merci d'être là. J'ai donné à cet exposé donc le titre suivant, le style documentaire ou la vie qualifiée. Et en fait, ce sera pour moi une présentation en deux temps. Je vais d'abord faire une sorte de bilan ou de résumé d'étapes d'un livre que j'ai fait paraître il y a quelques mois, intitulé « Style, critique de nos formes de vie ». Et puis je vais faire déboucher, disons, cette démarche ou cet effort sur une réflexion sur le documentaire, qui est en partie présente d'ailleurs dans le livre, mais aussi sur quelque chose que j'ai pas été, ce qu'autorise cette réflexion m'apparaît très clairement maintenant, mais j'ai pas été capable sans doute de le dire avec cette clarté dans ce livre, donc ça sera l'objet d'un prochain, parce que ça se fait tout le temps comme ça, par tuilage, les livres. Et ça sera vraiment, disons, l'intention centrale en termes moraux ou politiques de ce que j'ai à dire, qui est que le type de recherche que j'ai tenté, là, sur les formes de la vie, et ce qui me paraît être l'objet central du style documentaire, les formes de la vie, repose pour moi ou soutient une conviction fondamentale qui est celle de l'égalité des vies. Et en fait, ce livre m'a permis d'éprouver fortement cette conviction de l'égalité des vies. Du fait que, notamment, si toute vie mérite considération, attention, vigilance, pas forcément amour, mais considération, c'est pas parce qu'elle est unique, c'est parce qu'elle est égale. Et tout mon travail consiste à s'intéresser à cet aspect-là des vies. Non pas à ce qu'elles ont d'unique, ce qui serait peut-être plutôt l'objet du récit, l'objet de l'effort pour raconter l'histoire de quelqu'un, celui-là et pas un autre, mais plutôt l'effort pour saisir dans les vies ce qu'elles ont d'égal, de comme et pas comme d'autres vies, de semblables et de dissemblables. Donc voilà, vous pouvez repartir maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et c'est pour moi un petit peu, c'est une ferveur, c'est de me dire, voilà, c'est ça que ce travail m'a permis de penser, d'éprouver fortement. Et j'ai envie de l'écrire partout maintenant, mais sauf que, bref. Alors, donc mon travail dans ce livre, ça a consisté à réclamer une attention patiente aux formes de la vie, et d'abord donc à faire apparaître, d'un point de vue intellectuel, épistémologique, ce plan des formes, ce plan du comment, comment on vit, ce qui s'y engage, ce qui s'y dispute, mais aussi comment penser ce plan du comment, des formes de la vie, comment le regarder, comment le décrire, comment le qualifier avec justesse. Parce que je crois en effet qu'une vie est inséparable de ses formes, de ses modalités, de ses régimes, de ses gestes, de ses allures, et que ces formes sont déjà, et c'est ça qui est difficile à penser, mais qui est peut-être l'essentiel, ces formes sont déjà des idées, c'est-à-dire des mondes de valeurs, des propositions sur la vie. Autrement dit, et là je reprends un mot qui est celui de la sociologie pragmatiste, dont je me sens très proche, autrement dit des formes qualifiées, pas seulement des formes, mais des formes qui comptent, hein, pas seulement des configurations d'aspects ou de traits qu'on pourrait décrire, mais des mondes de valeurs pour lesquels on s'engage, hein, investis de raisons de s'y tenir, de les accuser ou de les combattre. Donc, c'est ça la pensée fondamentale de cet ouvrage. Une forme de vie ne s'éprouve que sous l'espèce de l'engagement, là où toute existence, personnelle ou collective, risque son idée. Non pas l'idée qu'on a d'elle, mais l'idée qu'elle est. Moi, c'est ma conviction en tant que littéraire. On peut s'intéresser à tout être, à toute chose, à toute forme de l'existence, comme à une idée. Quelque chose qui énonce, du fait même qu'elle soit ainsi et pas autrement, quelque chose qui énonce une sorte de proposition d'existence. Toute chose est une idée qui se formule à même les pratiques dans le cas des existences humaines. Et c'est d'ailleurs sur ce plan des formes de la vie, des formes que peut prendre la vie, que se formulent aujourd'hui beaucoup de nos revendications. C'est de formes de vie que l'on débat. Parce qu'avec elles, justement, ce sont des idées de vie complètes que l'on défend. Comment aimer, comment travailler, comment organiser le temps de sa journée, etc. Ce sont des idées de vie complètes que l'on défend, que l'on accueille, que l'on refuse d'accueillir, que l'on espère, que l'on accuse. Et donc j'ai cherché dans ce livre-là à ouvrir toutes ces questions, toutes portes battantes, en proposant la construction critique d'une stylistique de l'existence. Alors j'ai... Oh ! Je veux pas d'air. Ça doit être. Non. Pas de faux air, là, comme ça. Non, ça marche pas. Là. C'est. Non, c'est pour tous, là. Bon. Non, je peux pas. Mais ça vient d'arriver, non. On va se décaler. Hein, vous en avez aussi, là? Ah, bon. C'est à la porte? C'est là? Bon, on est sur un territoire qu'on ne connaît pas tellement. Bon, vas-y, c'est risqué. Je vais couper. Vas-y. Je voulais vous mettre ici. Sinon, on attend direct le mâle pour transmettre. Bon, c'est parfait. Ça y est? Merci. Ah. Sous peine de mort. On est encore vivants. Sous peine de mort. Donc, comment respirer dans... Donc, je disais, voilà, que l'intention, d'un point de vue de méthode, c'est la construction d'une stylistique de l'existence. C'est un terme que Foucault a forgé, même s'il ne l'utilise, à ma connaissance, que deux fois, puisqu'il lui préfère l'idée d'esthétique de l'existence, qui, pour moi, est un peu différente. Viser une stylistique de l'existence, ça suppose de s'intéresser sans préjugés à tout ce que peuvent engager les variations formelles de la vie sur elle-même. Ce n'est pas une esthétisation de la vie. C'est quelque chose de plus large, de plus ouvert et surtout de beaucoup plus incertain. Il ne s'agit pas de traiter forcément de vie éclatante, d'apparence prisée ou de corps élégant. Il s'agit de s'intéresser au fait que toute vie s'engage dans des formes, toutes sortes de formes, et qu'il y va de son sens. Et si l'on peut tenter de faire du style, et plus généralement de tous les mots du style, style, manière, façon, rythme, geste, éthos, etc., on pourra en reparler si vous voulez, du fait que je les prends tous ensemble et que je ne veuille pas considérer qu'il y en a des sympathiques et des antipathiques. Enfin, pour moi, la question ne s'organise pas selon des différences lexicales. Mais en tout cas, si l'on peut faire de cette question du style un outil si large, c'est pas seulement par choix de méthode, c'est parce que ces mots-là et ces questions-là se sont imposés dans beaucoup de domaines à un certain moment de l'histoire pour penser la vie, pour la décrire, pour l'évaluer, pour en débattre, et ce, en gros, depuis la période post-révolutionnaire, disons dans l'ordre des discours, depuis Balzac. À partir de ce moment-là, en effet, on s'est souvent intéressé aux formes de vie, aux genres de vie, aux régimes d'existence, aux formes que peuvent revêtir, gagner, instituer ou perdre les sujets et les collectifs. Et ces mots se sont imposés sur la scène, disons, de la qualification de la vie et se sont trouvés en partage dans toutes sortes de discours, pas seulement littéraires, mais aussi philosophiques, sociologiques, anthropologiques. De Balzac à Nietzsche, Mauss, Lévi-Strauss, Canguilhem, Foucault, Certeau, Bourdieu, Rancière, Agamben, aujourd'hui Viveiros, Boltanski, etc. Donc un lexique extrêmement répandu, mais un lexique où se jouent des guerres de valeurs un peu inaperçues. Surtout à cause de la ferveur que ce lexique suscite. Je l'ai observé en enseignant longtemps, disons, des séminaires qui avaient ça pour objet, les styles de vie. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre l'espèce d'excitation que faisaient naître ces mots-là, et donc à prendre pour sujet cette excitation, et pas seulement à m'appuyer sur elle pour susciter l'intérêt de mes étudiants. Donc partout, en tout cas, une attention aux manières de vivre, aux allures de la vie, mais il y a très peu en commun, en vérité, entre les différentes démarches que je viens de nommer, là. La vérité, c'est qu'on ne saurait pas décider a priori ce que la question des formes engage. Quelle idée de vie, quel monde les formes aménagent ou interdisent. Et pourtant, c'est exactement ce que fait tout le monde en convoquant ce lexique. Prendre son parti sur une certaine idée de la vie. J'ai été frappée par la vigueur avec laquelle chacun de nous, hein, je ne m'exclus pas de cette arène, au contraire j'essaye de l'occuper en conscience. Je veux dire chacun de nous qui avons pour profession de décrire les vies. J'ai été frappée par la vigueur avec laquelle chacun pose une anthropologie, une éthique, une politique, dans sa seule façon de regarder les formes de la vie et d'envisager d'en parler. Frappée par l'évidence avec laquelle la perception se laisse ici pénétrer de jugement, frappée aussi par le silence qui accompagne cette évidence, malgré l'énormité des décisions qui s'y prennent. Parce qu'en effet, autant de regards posés sur les gestes, les rythmes, les façons d'habiter un espace, un métier, un corps, autant d'idées de la vie, ou plutôt de la vie qui compte, de ce que l'on veut montrer, pointer du doigt, de ce à quoi on veut rendre les autres vigilants. Et donc ce que j'ai constaté, et c'est tout l'objet du livre, c'est pas seulement l'omniprésence des mots du style, c'est l'extrême dispersion de ce que ces mots soutiennent. Pas seulement le pluriel des significations, le fait que... On observe ça depuis toujours, le pluriel des significations d'une notion partagée. Mais je n'ai pas cherché, disons, à statuer en disant, comme c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans les études littéraires ou en poétique, en disant, bon, ben, voilà, les pauvres n'ont pas bien compris ce que c'était, ils n'ont pas bien défini ce que c'était qu'un style. J'ai voulu prendre acte de la concurrence des valeurs qui sont investies dans ces questions. Par exemple, avec Nietzsche, ou plus tard avec Foucault, le style nomme un idéal d'accomplissement éthique et esthétique individuel, pris dans quelque chose comme une longue tradition du dandysme, un dandysme sérieux, un dandysme sombre, un dandysme exigeant. Donc quand Nietzsche ou Foucault parlent, et ils en parlent beaucoup, de style de vie, de donner du style à sa vie, etc., ça nomme ce type d'horizon éthique, altérant, exigeant, difficile. Chez Bourdieu, cette dynamique se retourne évidemment comme un gant. Le style devient le nom même de la violence sociale, de sa naturalisation, de sa diffusion jusque dans la vie sensible. Et pourtant, là aussi, il s'agit des mots de la fin, hein, il s'agit d'observer les manières de faire, les façons d'être, etc. Et encore tout autrement, chez des penseurs comme Certeau, de façon plus radicale chez Rancière ou chez Boltanski, les mots du style, les questions de style, sont des moyens de comprendre la façon dont les sujets échappent, plus ou moins radicalement, au classement, et dont ils déjouent par l'usage, par le fait même de l'usage, du plan de l'usage, les forces de domination. Et dans chacun de ces cas, les mots du style sont très chargés, chargés de valeur. Par exemple, c'est un mot antipathique dans la pensée de Bourdieu. C'est un mot qui est en tant que tel un souci de dominant. Dans chacun de ces cas, les mots du style sont très chargés. Ce sont des bons ou des mauvais mots qui désignent ce à quoi on veut être attentif, ce à quoi on veut rendre les autres vigilants. Et il me semble que ce caractère polémique ou cette grande dispersion ne sont pas des obstacles, ce n'est pas quelque chose qui empêcherait ces questions-là d'accéder à un statut, disons, conceptuel. Au contraire, c'est le cœur de l'affaire. Ces questions de forme sont un lieu de décision sur ce qui compte, sur la pluralité indocile et rétive des manières de vivre, un lieu de dispute sur ce qui vaut la peine qu'on s'y intéresse et qu'on s'y engage, la peine qu'on les soutienne ou qu'on les combatte. Donc c'est ça que j'ai cherché à faire dans ce livre, et je m'arrête bientôt pour le résumer, disons. J'ai cherché à clarifier les démarches d'une série de très grands penseurs, donc il y a une, disons, il y a une ambition un peu... Mais voilà, c'est ainsi. J'ai cherché à clarifier les démarches, à montrer, même à forcer un peu la conflictualité des démarches en différenciant plusieurs façons de considérer les formes de vie et, avant toute chose, plusieurs façons d'interpréter les différences entre les formes de la vie qui me sont apparues comme autant de parti pris sur la vie elle-même. Et donc, il s'agissait d'élucider ce que chacun dit, ce que Nietzsche, ce que Balzac, ce que Foucault, ce que Mauss, ce que Durkheim, ce que Michaud, ce que Ponge, ce que Bourdieu, etc. Toutes disciplines confondues, puisque c'est un terrain partagé, disputé. Il s'agissait d'élucider ce que chacun dit lorsqu'il dit façon de faire, manière d'être, style de vie. C'est-à-dire, avant tout, d'élucider ce que chacun veut voir, veut honorer ou critiquer, ce à quoi il cherche à nous rendre attentifs. Et donc il s'agissait de montrer que ce champ du comment, c'est toujours une arène de dispute sur ce à quoi on tient, pas seulement dans les pratiques, mais aussi dans la pensée, dans ce à quoi, ce qu'on est prêt à nommer un geste, ce qu'on est prêt à voir comme une démarche, ce qu'on y cherche, est-ce qu'on y cherche l'exposition d'un code, est-ce qu'on y cherche tout autre chose, etc. Et il s'agissait de montrer que le champ du comment, donc, est toujours une arène de dispute. Et donc j'ai construit une sorte de match épistémologique entre plusieurs conceptions du style, trois conceptions en l'occurrence. Alors j'imagine que c'est ma formation un peu rhétoricienne qui m'a conduite à en voir trois. Je ne tiens pas plus qu'autre chose à ce qu'il y en ait trois. Je serais bien contente qu'il y en ait plus. Déjà, l'enjeu, c'était de compter au-delà de deux. Donc, ces trois conceptions, et bon, je crée un peu de suspense, je ne vais pas entrer en matière, parce que là, pour le coup, il faut peut-être que vous alliez y voir. Le style comme modalité, le style comme distinction, le style comme individuation. Et je précise tout de suite que l'individuation n'est pas l'individualisation, et que les individuations qui comptent sont collectives. Et en différenciant ces trois styles de style, si vous voulez, j'essaie de montrer combien les choix morphologiques, c'est-à-dire la définition de ce qu'on est prêt à regarder comme une forme, un rythme, un geste, une manière, comment ces choix morphologiques soutiennent des anthropologies concurrentes, des idées de vie concurrentes. Alors, j'entre pas en matière parce que c'est assez... disons, ça requiert du temps et de la patience. Mais donc je vous ai dit là l'essentiel, qui est justement cette affaire de dispute. Et pour moi, cette clarification n'est pas seulement une question de méthode, elle vise à accroître la conscience que l'on doit avoir de ces questions, la conscience de tout ce qui peut se jouer sur le plan du comment. Et donc, la responsabilité dont on doit faire preuve quand on fait profession de décrire les vies, de dire comment c'est. une responsabilité qui est partagée par les arts, les sciences sociales, le journalisme, chacun de nous au quotidien aussi. Bonjour. Il n'est pas sûr de ce qu'il cherche, le monsieur. Et donc, mon livre réclame de la patience, de l'attention, de la vigilance dans nos phrases. Pour qu'on se demande ce que l'on fait quand on décrit les vies, quand on décrit d'autres vies que les nôtres, et pour qu'on ouvre vraiment la scène du sens. Parce que ce que j'ai perçu chez beaucoup de gens qui... Tout le monde, c'est l'objet commun de nos travaux, les façons de faire, les manières d'être. C'est le terrain même des sciences sociales. Et ce que j'ai parfois perçu, c'est une sorte de bâclage, en fait, dans le travail même de la qualification. Donc, on ouvre vraiment la scène du sens, que l'on soit patient dans la qualification des vies. Pas forcément pour les aimer ou pour les justifier ou pour faire croire qu'elles soient vivables, mais beaucoup plus simplement pour dire comment elles sont. Et là, c'est un clin d'œil à Véronique qui partage avec moi un grand amour pour la colère, quand la colère dit ses raisons et fait l'effort de dire ses raisons. Or, ce qui vient avec l'attention aux formes de vie, c'est souvent la colère. C'est-à-dire la colère devant le sort fait à des vies, toujours les mêmes. Et donc, dans ce livre, j'ai été guidée par des poètes en colère, Baudelaire, Pasolini, Michaud, et qui sont en colère non pas par tempérament, hein, parce qu'ils seraient des sanguins, mais qui sont en colère à force d'attention, à force d'égard. Par esprit de justice, disons, par folie de justice. Et j'ai essayé, moi aussi, d'être animée par ce genre de colère, une colère douce, une colère contre les inattentifs, et les inattentifs, c'est moi aussi bien, on est toujours l'inattentif de celui qui regarde autre chose que ce que vous regardez, mais au moins peut-on lutter en soi contre l'inattention. Une colère contre le bâclage dans la qualification des vies. Et je pense tout de suite, évidemment, comme vous, pour aujourd'hui, à la façon dont on décrit, ou plutôt dont on ne décrit pas, les vies migrantes. Comment peut-on supporter que tant de vies se perdent, sinon parce qu'on manque de patience, parce qu'on considère que ce ne sont pas tout à fait des vies. C'est-à-dire pas tout à fait des vies vécues, pas tout à fait des vies vivantes, pas tout à fait des vies traversées en première personne et prises dans un quotidien. Ça serait ça, disons, au moins pour un écrivain ne peut pas tout, mais au moins peut-il entrer dans le désir d'une description, hein. Et justement, porter attention à cette question des formes de vie, c'est s'interdire de penser qu'il y a des vies qui ne sont pas tout à fait des vies. C'est ça que fait surgir l'attention aux formes de la vie. Moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'un grand écrivain, j'espère que ça va se faire ou que c'est en train de se faire, qu'un grand écrivain n'entre pas seulement dans une disposition à la sidération devant la tragédie migrante, mais dans une disposition à la considération, c'est-à-dire face à un travail de récit du quotidien, pour montrer qu'on a là des vies, non pas vivables, mais vécues. Alors je dis, c'est de la pub, parce que en fait, moi, j'ai écrit un petit livre qui va paraître dans quelques mois, qui s'appelle « Sidérer, considérer », justement, qui parle de ça, qui parle de la différence entre la disposition... absolument nécessaire à se laisser sidérer, affecter, et en même temps la disposition à la considération qui devrait non pas en prendre le relais pour toujours, comme si on avait été ému d'abord et qu'on entre dans un travail, disons, dépris de cette émotion, mais pour qu'on soit dans une respiration constante, nous descripteurs, nous qualifiants, entre la sidération et la considération. Et il y a un espace esthétique qui me semble particulièrement prendre en charge, sciemment ou non, cette conviction-là, c'est le documentaire. Donc j'en viens à ce qui est, je crois, le sujet de votre intérêt à vous, de vos débats, au documentaire. Je crois que je vais être un peu trop longue. Tu m'as dit une heure. Bon, ben, je parlerai un petit peu plus qu'une heure. Le documentaire cinématographique, photographique, littéraire, et vous avez compris dans le petit descriptif que c'était ça, disons, la proposition générale que je fais, qui est exagérée, bien sûr, mais enfin, pour ouvrir les yeux sur autre chose, on exagère. Hein. Le documentaire me paraît être l'un des domaines où se déploie le mieux ce type d'attention que je veux honorer, une attention non pas aux vies, mais aux formes de ces vies, aux formes qui traversent les vies, qui les animent, qui les relient, qui les déchirent. Une attention non pas à ce qu'une vie a d'unique, hein, je reviens à cette idée-là, mais à ce qu'elle a de semblable et de dissemblable, de comme et pas comme d'autres, et qui la fait égale. Ses modes, ses formes, singulières mais anonymes, l'idée de vie qu'elle est, l'idée de vie que toute vie énonce à même ses formes et qui la dépasse et qui l'impersonnalise en quelque sorte. Un documentaire, évidemment, ne prend pas pour objet, comme un roman, comme une œuvre de fiction, des vies idéales ou imaginées, en tout cas pas comme objet frontal. On pourra revenir sur cette idée. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il ne prend pas non plus pour objet des vies réelles. C'est un peu bizarre de dire ça. Il prend pour objet les formes qui traversent ces vies réelles. C'est-à-dire qu'il fait émerger dans ces vies autant d'idées de comment on peut vivre comme ça et encore comme ça. Autant d'idées de la vie, autant de chances de vie ou d'écrasement des chances de vie. Et dans ce livre, donc, je fais cette proposition à propos du documentaire, et enfin, c'est un tout petit passage, à vrai dire. Il faudrait peut-être que je l'amplifie. Et je propose notamment une distinction entre l'intention de témoignage et l'intention documentaire. Distinction, là encore, exagérée, mais à laquelle je crois, à laquelle je crois dans sa force d'aiguillage, disons. On témoigne de quoi ? On témoigne d'événements, de faits, d'histoires, mais on documente des formes de vie. On témoigne de quelque chose qui est survenu, mais on documente quelque chose qui persiste, qui circule, qui se perd, qui se transforme, qui revient. Des gestes, des régimes d'existence, des habitudes, des habitats, des modes du vivre. On témoigne de l'homme de l'événement, soumis à la brûlure des événements, acteur des événements ou brisé par eux, mais on documente celui que j'appellerais l'homme des manières, celui qui est le sujet non pas seulement d'une histoire, mais de formes de vie, c'est-à-dire de singularité collective. Comme j'ai déjà parlé plusieurs fois de cette affaire-là, j'en donne souvent un exemple et qui me semble assez parlant. C'est la différence qu'il y a quand on est en deuil de quelqu'un, entre penser à cette personne comme au sujet d'une histoire qui s'est refermée, qui aura occupé un certain volume de temps, qui ne reviendra pas, et puis penser à cette personne comme au sujet de manière d'être, de forme de vie. Il y a des très belles de formes de vie qui excèdent en quelque sorte une vie singulière, et qui pourtant sont les siennes. Et il y a des très belles pages dans le journal de deuil de Barthes qui tournent sans vraiment penser ça autour de cet effort-là pour le journal de deuil. Donc c'est un journal écrit par fragments à la mort de la mère de Barthes. Il vivait avec elle, enfin, c'était la personne foyer de son existence. Et quand elle est morte, il a refusé d'entrer dans ce que la psychanalyse appelle le travail de deuil. C'est-à-dire il a refusé d'entrer dans une perspective narrative ou temporelle et dans l'espoir que le temps puisse changer quelque chose à l'affaire, dans l'espoir de guérir de son deuil. Et il est entré au contraire, via le souvenir de Proust, parce que c'est un mot proustien, il est entré dans ce qu'il appelle la perspective du chagrin. Le chagrin dont on ne guérit pas, le chagrin qu'on habite, hein, habitude, habit, habitat, coutume, costume, etc. Donc c'est mon affaire, hein, c'est mon sujet. Donc il est entré dans la perspective du chagrin, ce qui a accentué en lui justement le désir de se rappeler et d'œuvrer à la continuité à l'intérieur de lui, de se rappeler les manières de faire de sa mère, et qu'il appelle aussi ses valeurs, des valeurs domestiques, comment elle faisait avec son appartement, comment elle faisait, etc. Et donc, il y a, voilà, c'est pas la même chose de se rapporter à quelqu'un, vivant ou mort d'ailleurs, comme au sujet d'une histoire, ou de se rapporter à quelqu'un comme au sujet de modalité du vivre. Et l'auteur qui s'est vu il y a 2 ans décerner, pardon, le prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, elle, je crois que c'est ça son effort fondamental. D'ailleurs, il y a une gravité éthique et une façon vraiment de se rapporter aux êtres détruits, mais qui est guidée par cette intention documentaire, cet autre plan de la réalité humaine, disons. Et pour moi, j'entends ça dans un titre comme La fin de l'homme rouge. L'homme rouge, c'est le sujet d'une certaine forme de vie historique. En telle ou telle personne singulière qu'elle rencontre, qu'elle écoute, et qu'elle écoute, Dieu sait avec quelle patience, elle a cherché à saisir ça. L'homme rouge et la fin de l'homme rouge. Donc témoigner des vies, documenter des formes de vie, ce sont là deux engagements pour le réel, mais pas pour le même grain du réel, et pas avec les mêmes enjeux. Sur la scène du jugement, le témoignage fait comparaître des actes, des personnes, des armées, des raisons, des nations. Sur la scène du jugement, le documentaire, lui, fait comparaître des formes de la vie. L'affaire éthique du témoignage, c'est, pour reprendre le titre de Ricoeur, la mémoire, l'histoire, l'oubli. L'affaire éthique du documentaire, c'est, vous l'avez compris, la vie qualifiée. C'est une formule d'Agamben, la vie qualifiée, c'est-à-dire la vie avec telle ou telle caractéristique, mais qui est aussi la vie dotée de qualités, bonnes ou mauvaises, de raison d'y tenir ou de raison de l'accuser. Et très souvent, la question politique se formule pour nous aujourd'hui comme une incertitude, une inquiétude quant aux formes de la vie, non pas dans le désir exactement d'une autre vie, mais d'autres façons de vivre, d'autres valeurs du vivre. Et d'ailleurs, elles existent. Et je crois que le documentaire soutient cette idée-là. Il y a, très loin ou tout près, d'autres manières d'être homme, d'autres liens, d'autres lieux, et on pourrait en penser beaucoup d'autres. Donc c'est pour ça que j'ai proposé d'accentuer, disons, ce verbe-là. Le documentaire saisit les vies par les formes dans lesquelles elles se débattent. Elles se débattent au double sens, hein. Elles se débattent, c'est-à-dire elles cherchent des sorties sur la scène politique, sur la scène sociale qui leur est faite. Elles se débattent, et elles se débattent au sens où elles se disputent. Elles s'affrontent à coups d'idées de la vie, à coups de valeurs. Et donc il y a une esthétique à cela. Enfin, moi je considère le documentaire comme la plus contemporaine, comme le plus contemporain des genres contemporains, parce que je trouve que c'est pas un hasard s'il a pris une telle importance dans le domaine cinématographique, dans le domaine littéraire. C'est parce qu'il dit quelque chose de cette inquiétude qu'on a. Comment vivre ensemble. C'est ça son, son terrain, je crois. Et il y a une esthétique à cela, et ça sera peut-être ma deuxième proposition sur le documentaire, parce que le documentaire n'implique pas un recul esthétique. Ça, c'est une idée que je crois fausse. Il implique un certain parti pris sur les formes qui va avec ce parti pris sur la vie. Le documentaire est ce qui engage sa propre forme dans une attention au formel de la vie. Il est ce genre dont la forme, dont le style, consiste à faire comparaître les formes de vie. Je dis faire comparaître avec un sens très judiciaire, c'est-à-dire les conduire sur une scène esthétique collective, de prise de conscience, de jugement. Faire comparaître les formes de la vie, faire comparaître les régimes d'existence. Il y a eu beaucoup de réflexions importantes sur le documentaire, notamment photographique et cinématographique. C'est une perspective qui est encore assez absente des études littéraires. Dans les études littéraires, la réflexion sur la façon dont les textes accrochent la réalité, elle est un peu dominée par la catégorie du témoignage. Et donc ça laisse de côté pas mal de textes. Il y a eu beaucoup de réflexions importantes sur le documentaire, mais il me semble que très souvent elle tourne le dos à cet engagement du documentaire dans la forme, en alimentant quoi ? En alimentant le sentiment d'un paradoxe. Comme s'il y avait un paradoxe entre l'engagement formel et la saisie du réel. Je crois que c'est un préjugé. Un préjugé moral. Comme s'il y a un préjugé moral quant à l'idée même de forme, disons. Comme s'il y avait une faute, une espèce de faute, dans tout investissement esthétique. Comme si la question de la forme, c'était toujours l'intention de faire beau. Or, la question de la forme n'est pas, du moins pas toujours, l'intention de faire beau. En littérature, en tout cas, enfin, disons, pour les textes que moi j'essaye de défendre, l'intention de la forme, c'est l'intention de dire juste. Même pas dire vrai, mais dire juste. C'est-à-dire tenter de dire avec justesse, même si on n'y arrive pas, même si on craint que ce soit une sorte d'impossibilité, mais cette impossibilité, il faut l'habiter, il faut l'occuper. Ça n'est pas possible, mais il faut le faire. C'est comme vivre ensemble, en fait. C'est impossible, mais il faut le faire. Une intention de justesse et une intention de justice à l'égard des états de réalité. Donc, dire juste et pas faire beau. Et ça, c'est vraiment c'est un préjugé tenace. Hein. Même dans le plus grand livre, peut-être, en tout cas, celui qui fait vraiment autorité sur le style documentaire, le livre d'Olivier Lugon, c'est un livre qui est vraiment habité et jusqu'à la moelle par ce sentiment qui est un paradoxe entre l'engagement dans la forme et l'intention documentaire. Et c'est une idée bien asséchée de la forme, une idée esthétisante, en fait, de ce que c'est que la forme, qui me semble en jeu dans cette idée-là. Or, si l'intention documentaire est justement de faire comparaître les formes de la vie, de voir ces formes, de relayer, en quelque sorte, cette comparution qu'est le réel. J'insiste beaucoup sur ce mot comparution. Pour moi, il est, je ne sais pas si je suis capable tout à fait de le soutenir, ce mot, mais je sens que c'est celui que j'ai envie de prononcer avec insistance. Alors, si c'est ça, l'intention documentaire, alors vraiment, il n'y a pas de paradoxe. Bien au contraire. Alors, j'en viens à un exemple très canonique. Je ne sais pas si vous en avez déjà discuté. Puisque, alors, je parle avec timidité maintenant que je comprends que vous êtes des acteurs du documentaire, mais bon, tant pis. Ne sachant pas si vous étiez familier de la culture documentaire en littérature, je voulais vous parler du plus grand livre documentaire, qui est celui de A.G. et Evans, « Louons maintenant les grands hommes ».« Let's praise now famous men ». Alors, je regrette, je ne l'ai pas apporté. Je compte sur votre curiosité pour aller voir les mêmes en ce moment-là avec vos tablettes. C'est un ouvrage absolument exorbitant et qui pourtant a signé en photographie, en littérature, la naissance de cette idée de style documentaire. Il résulte, après bien des péripéties éditoriales, d'une commande faite à celui qui était alors journaliste, James Agee, avant d'être considéré comme un poète. Moi, en fait, vous avez compris, le terrain que je cherche à creuser, occuper, manifester, c'est un terrain un peu contre-intuitif ou inattendu, qui voit se rencontrer la sociologie ou la critique sociale et la poésie. D'où, par exemple, l'intérêt profond que j'ai pour quelqu'un comme Boltanski, qui est un sociologue, qui est poète. Voilà. Donc, ce livre résulte, après bien des péripéties, d'une commande faite à Agee et au photographe Walker Evans par le magazine Fortune, en 1936, et qui expose, en gros, les conditions de vie misérables des fermiers en Alabama au début des années 30. Le magazine Fortune, je le dirais comme ça maintenant, comme d'autres revues assez luxueuses, destinées à des lecteurs aisés et souvent influents, s'intéresse donc aux victimes de la crise que traversent alors les États-Unis, à ces groupes sociaux qui constituent une sorte de rappel des limites d'un modèle social. Les rédacteurs de Fortune avaient mis en place une série intitulée « Life and Circumstances », la vie et ses circonstances, la vie et les circonstances. Et ils souhaitaient publier un article illustré de photos sur les métayers et le coton pour cette série. Et parmi les petites gens du Sud, le groupe des métayers était à la fois central et oublié. Et Fortune a commandé ce reportage difficile à Agee, qui avait déjà publié pour eux, et Agee avait demandé à être accompagné d'un de ses amis, le photographe Walker Evans, qui avait déjà travaillé dans le Sud pour le compte de l'État fédéral, pour une commande administrative qui consistait à se documenter sur les conséquences de la dépression économique dans cette région. Agee a 27 ans quand il fait ça. Ça calme. Evans a 32 ans. Agee est issu de la toute petite bourgeoisie pauvre du Sud, mais il a étudié à Harvard. Il a une sorte d'itinéraire de miraculé d'un point de vue culturel. Et Evans fera de lui, dans une postface à une édition de 1960 du livre, un magnifique portrait insistant sur son accent du Sud et sur la, je cite, « colère paralysante » le poignet. Alors ils partent tous les deux en juin 36 en Alabama. Ils passent environ 2 mois avec 3 familles rencontrées là-bas. Agee note sur des carnets des descriptions, des listes d'objets, des dialogues, des impressions, et Evans prend des photographies, beaucoup de photographies. Agee ne connaît pas du tout la tradition ethnologique et anthropologique. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ça n'est pas très loin de ce qu'on pourrait appeler de l'observation participante, mais elle est conduite en toute innocence théorique et en revanche dans une grande véhémence morale. Agee a cherché les ressources de son enquête dans sa conscience morale. Il le dit. Il a créé lui-même les conditions de l'enquête. Il a choisi de suivre et de décrire la vie non pas d'une famille, mais de 3. Non pas ce qu'une vie, en l'occurrence la vie d'une famille, a d'unique, mais ce qu'elle a d'égal. Et il a adopté le même protocole pour chacune d'entre elles, qui forme le plan d'une grande partie de son livre. Il décrit d'abord les revenus, ou plutôt l'absence de revenus et les différents statuts. Il s'attarde ensuite longuement sur ce qu'il nomme l'abri. L'abri, le shelter. C'est-à-dire pas seulement l'habitat, mais l'habitat en tant qu'il... qui devrait faire abri, faire séjour et faire abri. à des vies, c'est-à-dire la maison de chaque famille, le devant de la maison, sa structure, sa façade, le corridor, la pièce au-dessous de la maison, les odeurs, les vides, les espaces, la chambre à coucher du devant, la chambre à coucher du derrière, la cuisine, la remise. Et pour chacune de ces pièces, il décrit la disposition du mobilier, la cheminée, les placards, les lits, la lampe. Et pour chacun des objets de ces pièces, il évoque très patiemment leur place dans le décor, les couleurs, les taches, les odeurs. Il étudie ensuite de façon très systématique les vêtements de la semaine, les vêtements du dimanche. Ça fait pas si longtemps qu'on n'a plus de vêtements du dimanche. Il décrit la scolarité des enfants, les conditions de travail. Décidément, il décrit des formes de vie. Il décrit même, mais tout le problème sera là, une sorte d'art de vivre, d'art de disposer des objets, par exemple, de s'aider, de se soutenir. Par un décor, par une vigilance, par la délicatesse d'un geste. Mais tout le problème sera là, j'y reviendrai. Alors Fortune a refusé le manuscrit, qui faisait 800 pages, je crois, au lieu de 30 feuillets. C'est que les deux auteurs ont littéralement pulvérisé les attentes de la commande. Ils ont transformé la quête d'information en une démarche avant tout poétique, affolée, happée en quelque sorte par l'éclat poignant des destinées rencontrées au long du chemin, révoltée aussi par les conditions faites à ces existences. Et les commanditaires ont jugé le manuscrit trop personnel, trop violent, mais aussi trop négatif. Et évidemment beaucoup trop long. Comme si dès l'origine, la force du réel, d'un monde mal connu, mal acceptable, conduisait à l'excès. C'est un reportage qui leur avait été commandé, et ce qui leur est revenu, c'est une sorte de machine émotionnelle qui refuse de communiquer simplement des informations. Et le manuscrit mettra 5 ans à être publié sous la forme d'un livre en 1941 qui passera quasiment inaperçu. Les raisins de la colère de Steinbeck avaient été publiés 2 ans auparavant et ils occupaient la place un peu, mais d'une toute autre façon. Et ça a occulté Louons maintenant les grands hommes. Et ce livre a été redécouvert après la mort d'Eiji en 1955, lors d'une réédition en 1960. Et son caractère inconvenant a duré. Les sénateurs se sont montrés hostiles ensuite au simple dépôt à la Library of Congress des images qui documentaient une Amérique trop sombre, trop négative. Ça rendrait trop triste, en fait, de voir ça. Et pourtant, c'est un livre qui est devenu culte dans les milieux littéraires et photographiques. Et c'est devenu une référence majeure sur le style documentaire. Style documentaire, en effet. Puisqu'ici, c'est la force d'un style et non pas un retrait esthétique. J'insiste là-dessus, mais c'est difficile de faire vivre cette idée plus d'un instant, comme si c'était la privation de style qui conduisait le mieux au réel, comme si les mots étaient nos ennemis, comme s'il fallait les dépouiller, les amaigrir, les assécher. Alors que... Bon, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des littéraires, mais moi, c'est ce que j'essaye de faire vivre dans cette école. La conviction profonde qu'on n'a pas à se méfier des mots pour dire juste, pour savoir, pour s'acheminer vers le réel, mais qu'on doit affûter nos phrases et qu'on doit occuper cet espace... impossible si on veut, de la qualification, mais l'occuper avec conscience, avec ferveur, avec vigilance, avec le désir de contrôler nos mots. Le livre emprunte son titre à l'Ecclésiaste, Let us now praise famous men, c'est un titre de prière, louons maintenant les grands hommes. Un « nous » est invité à honorer une dignité qui n'est pas la sienne. Let us praise famous men. À honorer la grandeur paradoxale de ces famous men, de ces autres famous men que sont les pauvres, les sans éducation. Et le livre s'ouvre sur le cahier de photographie sans légende d'Evans, avant même la page de faux titre. Ce qu'on appelle la page de faux titre, c'est la page qui répète le titre. Donc on ouvre le livre et on tombe sur ce que j'appellerais des portraits de forme de vie, justement. Des portraits de face, portraits de personnes, portraits de famille, portraits d'environnement, portraits d'habitat, portraits de façade, portraits de paysage, portraits d'objets et même portraits de portraits, puisque il prend la photo, par exemple, des petits... Bonjour. Il prend la photo des petits arrangements de photos sur un buffet, portraits de portraits, donc. Autrement dit, portrait de tout ce qui, de ces vies-là, paraît. Tout ce qui paraît. Tout ce qui comparaît. Les petits hôtels domestiques. L'équivalent iconique, moi je ne suis pas spécialiste des images, mais j'y vois l'équivalent iconique d'un immense voilà. C'est vraiment, à mes yeux, une force de comparution. Ou pour reprendre la phrase de Jules Verne, regarde de tous tes yeux, regarde, comme si tu en avais 2000 des yeux. C'est la phrase qui a été placée par Georges Perec en exergue de la vie mode d'emploi. Regarde de tous tes yeux, regarde. Et je trouve que c'est un point important dans cette invention du style documentaire, la valeur de la frontalité. Toutes les photos ne sont pas prises de face, mais beaucoup d'entre elles sont prises de face, et avec tout ce qu'on doit entendre dans l'idée de face, que tout peut devenir face, c'est-à-dire visage adressé. Un objet peut offrir, il y a toutes sortes de visages. Qu'est-ce qui disait ça? Un poète à qui... Non, enfin bref, il y a toutes sortes de visages. Et dans le désir de leur faire face. Comme s'il s'agissait décidément de faire comparaître le réel, pas de le montrer, de l'aider à comparaître, puisqu'il est en tant que tel force de comparution. Bonjour. Évidemment, la vue frontale ne documente pas mieux qu'une autre vue. C'est pas vue de face plutôt que vue de côté, de dos, par en dessous, qu'une chose est mieux vue. Mais la vue frontale embraye sur cette chose que j'essaye de nommer là, qui est une sorte de valeur d'exposition du réel, la brûlure du réel. Eiji parle de l'éclat cruel de ce qu'il est, l'éclat cruel de ce qui est. Il parle aussi de la cruelle radiation, enfin c'est pas lui, c'est-à-dire c'est traduit, la traduction est absolument dégueulasse, de « Louons maintenant les grands hommes ». Ils disent caméra pour appareil photo, enfin c'est n'importe quoi. Et donc il y a parfois des retraductions, mais partielles. L'éclat cruel de ce qui est, aussi traduit comme la cruelle radiation de ce qui existe. C'était un mot de Zimmel, la radiation, aussi, pour décrire cette scène esthétique, disons, des images que nous échangeons entre nous, de la façon dont on paraît. Normalement, ça commence à 2h, c'est ça ? En tout cas, ce qui est important, c'est de souligner que la frontalité n'est pas une neutralité esthétique. Sa dynamique n'est pas la dynamique moderniste du découpage, hein, mais c'est tout l'inverse. C'est ce que je décrirais comme la dilatation d'une chose à la dimension d'un monde. Comme la façon dont les visages chez Pasolini comparaissent, c'est-à-dire un visage vient occuper toute notre tout notre monde sensible pendant un moment. Ce visage-là, puis cet autre, puis cet autre. Et là, donc la frontalité, ce n'est pas une affaire de neutralité esthétique. Au contraire, c'est une folie d'un point de vue éthique ou humain. C'est faire face, voilà. C'est le constat de la et la relance de quelque chose comme une éthique de l'apparaître, une conviction que le sensible est en soi comparution. Et dans le texte, dans le style de Deiji, pour le coup, on retrouve cette dimension de frontalité à travers la dominante descriptive, et puis dans un usage formidable de la ponctuation, notamment dans la scansion des deux points. Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser plusieurs fois les deux points dans une phrase. Enfin, les deux points ne créent pas cette hiérarchie syntaxique que créent les points-virgules, par exemple. Et Eiji abuse formidablement des deux points, auxquels il donne une valeur hyper-présentative, hein, cet équivalent du « voilà » dont je parlais tout à l'heure. Une valeur de dessillement intense, deux points comme deux yeux écarquillés, qui force à garder le regard grand ouvert et à prendre la mesure de cette force d'exposition continue qu'est la vie, où toute singularité apparaît et réclame qu'on la considère ou craint qu'on la considère. Cette réclamation, c'était un des... Enfin, pardon, je m'emporte, mais parce que c'est des auteurs que j'aime beaucoup. Cette réclamation, c'était l'objet d'une des analyses peut-être les plus belles de Baudelaire sur les visages dans la foule. Il parlait en citant Thomas de Quincy, il faut que je retrouve ma citation maintenant, il parlait de ce qu'il appelait la tyrannie de la face humaine, la tyrannie de la face humaine, en décrivant la façon dont, dans la foule moderne, chaque visage, tyranniquement, réclame que l'attention soit posée sur lui. Et les deux points dont Eiji use et abuse font l'effet d'une sorte de tribunal de parole. Ils sont la marque de cette comparution que j'essaye de nommer. Donc voilà, on a un titre en forme de prière, un cahier de photos exorbitant, et le texte commence. Mais même lorsque l'on entre dans le texte, le livre retarde l'entrée en matière documentaire à coup de grands portiques majestueux, enflammé et poétique. Il est composé de deux livres, le premier qui fait quelques pages et pourtant deux parties, et le second qui fait plusieurs centaines de pages. Et il commence par des poèmes. Enfin, pas d'emblée, mais au bout de quelques paragraphes. La présentation s'ouvre sur une définition du sujet qui monte très rapidement en généralité, mais aussi en spiritualité, et qui pulvérise d'entrée de jeu les attentes d'un reportage. Je cite, le sujet nominal, ça c'est la traduction, donc je ne sais pas, le sujet, le thème. Le thème, est, ça m'a mise en colère en fait. Le thème, le sujet, est l'affermage du coton en Amérique du Nord tel qu'on peut le saisir dans la vie de chaque jour de trois familles blanches représentatives. De fait, je continue la citation, il s'agissait qu'émerge dans son ampleur quelque chose d'une existence non imaginée, une existence non imaginée, documentaire, et ainsi de mettre en place des techniques qui permettent d'enregistrer, de faire connaître mieux, d'analyser ces modes de vie, ces formes de vie, et de les défendre. Et d'une façon plus essentielle, il s'agit d'une libre enquête sur les mauvaises passes qui affectent aujourd'hui, ordinairement. Ah, c'est pénible. Donc je recommence. Hein. D'une façon plus essentielle, il s'agit d'une libre enquête sur les mauvaises passes qui affectent d'ordinaire la part du divin chez l'homme. Donc faire émerger quelque chose d'existence non imaginée. Analyser et défendre des modes de vie et protéger la part du divin en l'homme en révélant ce qui le menace, c'est un seul et même horizon pour Eiji. Et Eiji précise tout de suite que le travail s'appuie sur plusieurs instruments, à la fois techniques et éthiques. Je le cite, « Les instruments premiers sont au nombre de deux, la caméra ordinaire, donc non, l'appareil photo ordinaire, le mot imprimé, inscrit, adressé. Un troisième instrument, dit-il, dans lequel on doit voir aussi l'un des centres du sujet, commande, c'est la conscience humaine, individuelle et anti-autoritaire. La conscience humaine individuelle et anti-autoritaire. Je trouve que la précision est extraordinaire. Le style documentaire, donc, engage une conscience-outil dans sa capacité à rendre compte de vie tout autre que la sienne et qui, par cela, la concerne. Eiji poursuit en citant le manuel de géographie d'une des petites filles de ses familles. Donc, ce sont des citations d'un manuel scolaire. De quoi chaque partie du grand monde doit-elle être pourvue pour procurer à l'homme une bonne maison ? Au cours de nos voyages, nous désirerons apprendre ce que mangent nos frères et nos sœurs à travers le monde et d'où provient leur nourriture. Nous désirerons voir les maisons qu'ils habitent et comment elles sont construites. Nous désirerons aussi savoir quels vêtements ils portent pour se protéger, etc., etc. Donc, d'autres vies que la mienne. C'est le titre d'un livre d'Emmanuel Carrère, il est bien ce titre. Et d'autres vies saisies décidément dans leur forme. J'ai froid. D'autres vies saisies dans leur forme, c'est-à-dire ce qui en elles relève de singularités partageables. Habit, habitat, habitude. Je fais exprès de vous faire entendre que tout ça c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est pas pareil. Ça ouvre le même plan humain. Autrement dit, des régimes complets d'existence qui exigent considération, exposition, protection. Et pour saisir ça, pour saisir, je cite, cette actualité humaine dans laquelle le lecteur n'est pas moins concerné que les auteurs et ceux de qui il parle, pour saisir ça, Eiji commence par deux poèmes. Il précise d'ailleurs qu'il a écrit son texte dans la pensée d'une lecture à voix haute, d'une profération. À voix haute pour que le lecteur soit animé par la même expérience morale et physique de celui que blesse le spectacle d'un monde humain. C'est une des phrases aussi qui ouvre ce livre. Je dis que je cherche à faire l'éloge de ceux qui sont capables d'être blessés par des états de réalité. Qui sont capables d'être blessés. Et déjà commence le livre 2, alors qu'on n'est pas entré en matière, à la composition très complexe. L'ensemble est à la fois extrêmement détaillé, très scrupuleux, très méthodique, avec des notes de bas de page. Donc à la fois très méthodique, très détaillé, et en même temps emporté par une sorte de sentiment religieux, submergé, devant ce qu'Eiji appelle, je répète, l'éclat cruel de ce qu'il est, l'éclat cruel de ce qui est. Donc l'intention documentaire et la dimension poétique sont ici totalement mêlées, chacune servant l'autre, l'augmentant, la défiant aussi. Ainsi, dans la rencontre avec une première famille, je cite, « À la façon dont ils me regardaient, une faiblesse ignoble et froide me gagnait, comme si je me dissolvais. Et pourtant, derrière ce regard, il y avait un feu intérieur évaporant tout point focal. Chacun des yeux de la jeune femme avait une splendeur d'ostensoir. » Chacun des yeux, il n'y en a que deux. Mais c'est comme la phrase de Jules Verne tout à l'heure. Je continue la citation. « Aucun de ces trois individus ne me lâcha des yeux... » Ah non, pardon. « Si aucun de ces trois individus ne me lâcha des yeux un instant, à l'intersection de ces trois forces, agissant chacune selon son style ou son humeur, c'était comme si, tout en parlant, j'étais transpercée de flèches. » Donc c'est toujours cette idée de se mobiliser comme être affecté. Et le livre perd totalement, par section entière, son caractère discursif ou enquêteur. C'est une sorte de prière fleuve, démesurée, une prière entièrement guidée par le pathos, mais comme s'il y avait, dans le pathos, un tremplin pour la pensée. Ça, c'est aussi une conviction de littéraire, qu'il peut y avoir, dans le pathos, un tremplin pour la pensée. Le pathos qui est l'effet de la réalité sur un écrivain qui prend toute perception comme un coup en plein cœur. Et le plus frappant dans le livre, c'est cette alliance d'enquête et de lyrisme, de liste, trois morceaux de chiffon sur un, l'alliance de liste et de prière, et c'est ça donc la naissance du style documentaire, la façon qu'aura eu un écrivain d'honorer le réel dans sa brûlure. Le fait d'être capable d'être blessé par une suite d'événements humains. Donc il y a beaucoup de colère dans ce livre, une colère en réaction aux conditions faites à la vie, une colère quant aux formes de vie, donc. Et puis aussi une colère contre soi, une colère contre sa propre position, contre ce à quoi le contraint la commande. Avec le sentiment, en fait, qu'aucune position n'est ici tenable, aucune position humaine, j'entends, n'est ici tenable, d'aller voir des gens. Et c'est par exemple tout l'objet du livre deuxième, du livre deuxième, que d'accuser les conditions mêmes de la commande, d'accuser le rapport qui se construit ici entre deux modes de vie dont l'un écrase par définition l'autre. Et je serais un menteur et un lâche, et l'un d'entre vous dans votre monde à l'abri, si je devais craindre de dire les mêmes mots de mes perceptions les meilleures et de ma meilleure intention. Donc il y a quelque chose d'un texte impossible, comme on dit d'un enfant qu'il est impossible, c'est-à-dire qu'il est bel et bien là, mais si vous voyez ce que je veux dire. Un texte impossible, une position intenable, celle d'une personne qui est, et je le cite encore, vrillée par l'incertitude. Parce qu'Eiji ne se repose jamais ici dans une situation énonciative, stable ou satisfaisante. Et il ne nous autorise pas à nous y reposer non plus. Et ça, j'y crois profondément que la littérature peut faire place à ça. C'est un discours qui accepte de se tenir dans une position intenable, à pas résoudre des contradictions, mais à les habiter en quelque sorte. Les habiter en conscience, en faire sens. C'est un discours qui endosse un tourment. Et si le texte n'offre ni stabilité esthétique, ni confort moral, c'est parce qu'il veut, au fond, tout dire. Ou plutôt faire face à tout, comme si on n'en avait jamais assez vu. Et là, c'est un aspect, je le citerai tout à l'heure, mais qu'a commenté Rancière, qui consacre à ce livre de A.G. Evans, le dernier chapitre de son grand ouvrage, Aesthesis. C'est un gros essai, c'est pas l'un des petits essais, donc il est moins lu, mais c'est vraiment un très grand livre. Enfin, j'en reparlerai tout à l'heure, mais en tout cas, Rancière a beaucoup commenté ça. Le texte veut tout dire. Il s'agit de se soumettre à la puissance d'une réalité stupéfiante. Au contraire, l'art habituel du journalisme, qui est déjà très codifié, semble-t-il, dans les années 30, je m'appuie sur ce que dit Rancière, se garde bien de vouloir tout dire. Le reportage sélectionne les faits qui font sens, sélectionne des détails bien choisis, des images dont on sait déjà ce qu'elles montrent, des images qu'on pourra reconnaître, des signes de misère, par exemple, hein, conformes à ce que le public peut concevoir, des objets cassés, hors d'usage, qui résumeraient la pauvreté, qui classeraient les vies. Il s'agit, dans le reportage, de contenir l'excès du réel, l'excès de la signification, l'excès du pathos aussi. Or, Eiji ne se contente pas de quelques détails significatifs, de quelques détails classants, comme si dans la perception, il fallait cocher des cases, vues, voilà, et comme si toute l'affaire était de reconnaître une condition Ah, te voilà, le pauvre de toujours. Hein, je te reconnais bien. Puisque l'art de sélectionner et d'assembler quelques signes qui pourraient faire reconnaître une condition appartient pour Eiji à la pratique obscène du journal, obscène, pour laquelle un groupe humain se donne le droit d'aller fouiner, dit-il, dans un autre groupe humain et de faire parade de l'état d'humiliation et de nudité de ses vies. Et face à ça, Eiji et Evans se conçoivent comme deux espions bien décidés à trahir leur mission, comme des escrocs, mais aussi comme des anges tutélaires. Donc Eiji choisit ou tente de tout dire, c'est-à-dire évidemment pas tout, mais d'en dire le plus possible. Mais il y a autre chose, et j'ai bientôt terminé. Et la beauté poignante du livre vient de là. Eiji cherche à faire comprendre les raffinements des conduites de ces gens, les raffinements de leur conduite, dans chaque réticence, dans chaque esquisse de geste, dans les arrangements vestimentaires, des sortes de prouesses esthétiques, le soin apporté à tel ou tel détail, dans une fatigue, une dignité, une tristesse, une fierté devant l'appareil photo, ou au contraire, la façon dont on se protège de l'appareil photo, dont on se défend de la prise de vue. Et avec une conscience très aiguë de la subtilité des comportements et des hontes, il décrit par exemple ce qui se passe lors de la prise de l'une des photos de Evans en s'adressant à l'une des femmes et en tentant de comprendre ce qui se joue pour elle dans le fait même de la prise de vue. Et qui n'est pas seulement l'affaire qui intéresse un peu trop les gens qui justement veulent décrire des choses autour des formes de la vie, qui n'est pas seulement l'affaire de comment apparaître, comment on concerte son apparence, comment on veut apparaître. Hein, tous les travaux sur l'éthos sont complètement piégés par cette idée-là, mais aussi très simplement comment on se défend contre le regard aggravé en quelque sorte, lorsqu'il est armé par un enregistreur. Rancière donc a consacré à Louons maintenant les grands hommes le chapitre final de son livre Aesthésis, qui est paru en 2011, et il insiste sur ce tout dire qui fait éclater le volume de l'intérieur, mais surtout, et je m'en tiendrai à une citation, mais parce que je la trouve éblouissante, Rancière se montre très sensible aux tourments très forts qui habitent la description d'Eiji et à son désir d'honorer un art de vivre, tout en sachant que ceux chez qui on le reconnaît en sont par là même dépossédés. Puisque c'est une sorte de tourniquet social et moral entre le fait de trouver beau ou jouer à trouver beau et le fait de prendre acte toujours et d'abord d'une situation de misère et de précarisation. Le problème, dit Rancière, je cite donc, le problème n'est pas de célébrer les bricolages qui témoignent de l'art de faire des pauvres. C'est un art qu'on ne leur concède que trop volontiers. Bon. Il y a trois paliers dans cette citation, je vais peut-être la lire 17 fois comme ça. Le problème n'est pas de célébrer les bricolages qui témoignent de l'art de faire des pauvres. C'est un art qu'on ne leur concède que trop volontiers. Il est, deuxième palier, de faire reconnaître dans ces bricolages un art de vivre, c'est-à-dire, au-delà de toute adaptation d'une vie aux circonstances qui l'entourent, la façon dont une existence se met à la hauteur de son destin. Mais, troisième palier, c'est justement là que ce destin s'avère le plus impitoyable. Je recommence ? Le problème n'est pas de célébrer les bricolages qui témoignent de l'art de faire des pauvres. C'est un art qu'on ne leur concède que trop volontiers. Il est de faire reconnaître dans ces bricolages un art de vivre. C'est-à-dire, au-delà de toute adaptation d'une vie aux circonstances qui l'entourent, la façon dont cette vie se met à la hauteur de son destin. Mais, et c'est là qu'il est grand, Rancière, il ne joue pas simplement à trouver ça beau. c'est justement là que ce destin s'avère le plus impitoyable. Donc il y a quelque chose de, là que je trouve très juste, c'est un tourniquet qui n'en finira pas. Hein. Quelque chose de très proche, par exemple, du rapport sérieux au pluriel qui anime le pragmatisme. Prendre vraiment au sérieux le pluriel de la réalité, c'est... Alors, je m'apprêtais à commenter très rapidement un second exemple, mais je vais peut-être m'arrêter là. Hein. Non ? Tout de même, ça fait 2 heures. Ah non. Non. Pas encore. Donc je vais passer très rapidement, mais pour le coup pour arriver à aujourd'hui. Et je vais passer sans transition à un second exemple, mais qui m'a apparu aussi clairement que louons maintenant les grands hommes. Faire voir avec force qu'il s'agit dans son projet de saisir des formes de vie et pour le coup de saisir la possibilité qu'elles se pénètrent, qu'elles cohabitent, qu'elles se fassent place l'une à l'autre. Et donc ce documentaire, qui n'a rien à voir, même s'il a quelque chose à voir au sens où il s'agit de braquer le regard sur les vies les plus précaires, c'est Fuoco a Mare de Gianfranco Rosi, qui est sorti l'année dernière, qui est un documentaire consacré à Lampedusa. Et le film se penche justement sur les formes de la vie quotidienne sur l'île de Lampedusa, dans une petite famille. Le père, qui est un ancien pêcheur, le petit garçon qui va à l'école, qui apprend l'anglais, qui parle avec son père, qui apprend à ramer, qui joue à la guerre, qui tire des oiseaux avec sa petite fronde, la grand-mère qui prépare la cuisine, qui dédie à la radio des chansons à ceux qui partent en mer. L'enfant a aussi un œil paresseux, ce qu'on appelle un œil paresseux. Il doit le rééduquer, donc vous savez comment on fait, on met un cache sur... en jouant avec son mauvais œil à la fronde. Et cet œil paresseux et le réapprentissage du regard prend évidemment un sens considérable. Et la forme de vie, elle est faite de toutes ces choses mêlées, des habitudes, des gestes, des habiletés dont on fait l'apprentissage, des silences, des façons de faire avec le temps et avec le monde tout autour, des rythmes, des modes relationnels, des liens, des façons d'être ensemble ou de s'en abstenir. Mais le film se penche aussi, et ces deux fils sont tressés tout au long du documentaire, sur les formes de l'accueil, les formes du sauvetage, la façon dont les autres, les migrants, arrivent et nous arrivent, la façon dont on leur porte secours, dont on les soigne. Encore une fois, ils ne se posent pas la question du pourquoi est-ce qu'on accueille ou pourquoi est-ce qu'on n'accueille pas, et ceci et pourquoi pas cela, ni même la question du qui accueille-t-on. Et c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une certaine critique, le caractère anonyme, justement. Il pose la question du comment. Comment c'est à Lampedusa ? Et la grandeur du film est de prendre tout ça ensemble, la vie quotidienne des uns, l'aventure terrifiante et exorbitante des autres, qui pourtant est aussi une vie absolument vécue, et la façon dont elles se frôlent, dont elles se croisent rarement, elles se croisent dans les opérations de sauvetage et de triage, et elles se croisent dans les soins chez le médecin, en situation d'accouchement par exemple. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement de rencontre entre des formes de vie qu'il est question, mais parfois simplement de rapports possibles que le spectateur entrevoit, qui pourraient advenir, et qui déjà rapprochent des vivants totalement séparés, et qui font vivre des ressemblances. Il y a un thème qui revient au long du documentaire, c'est celui de la chanson, du chant. Évidemment qu'ils ne chantent pas ensemble. Mais, disons, il chante aussi. Chacun a sa façon d'avoir peur de la mort, puisque c'est de ça que parlent les chansons, hein, ou d'avoir à faire place à la mort dans la vie. Et puis le film montre aussi comment la façon commune de vivre sur l'île est désormais d'emblée traversée par ce qui se passe juste au bord. Le petit enfant de cette famille va chez le médecin, c'est une scène qui est vraiment déchirante. Et le médecin lui découvre une douleur à la poitrine, une légère angoisse, n'est-ce pas ? Lui dit-il, et le petit garçon répond oui, une légère angoisse. Et on comprend que même pour ce petit garçon, sans le savoir, enfin on ne sait pas du tout quel type de conscience il a, mais que déjà il prend sur lui la tragédie, qu'il sait que ces morts-là sont aussi ses morts à lui, et tout de suite, et dès maintenant. Alors il y a un collectif italien, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelait I Nuovi Europei, les nouveaux Européens, et qui décidait donc de dire que les migrants ne sont pas des autres, ce sont les nouveaux Européens. Et que c'est à partir du cœur de ce qu'ils sont que l'Europe d'aujourd'hui se définit. Ils sont les nouveaux Européens. Je ne sais pas s'il existe encore, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. J'aurais simplement dû me renseigner pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, bon, je voulais juste nommer cet autre documentaire pour ne pas m'en tenir à un exemple qui est à la fois initial et inexemplaire, comme celui d'Haïti, pour souligner ça, que l'attention aux formes de vie, l'attention dans les vies à leurs formes, soutient par définition, pour moi, une pensée, colérique de l'égalité des vies. C'est pas une vie, dit-on. Oui, mais non, parce que c'en est en fait toujours une de vie, même si c'est pas une vie. Et même pour entendre qu'elle n'est pas vivable, il faut entendre qu'elle est absolument vivante et qu'elle est absolument vécue. Et pour moi donc, et je m'y attendais pas, c'est cette conviction d'égalité et la colère qui va avec, c'est cette conviction d'égalité que soutient l'intérêt pour les formes. Encore une fois, je me répète, mais parce que, disons, j'y crois, parce que ce regard-là n'invite pas à saisir ce qu'il y a dans toute vie d'unique et d'insubstituable. Et des fois ça plaît pas parce qu'on se dit, mais pourquoi ne pas s'intéresser à, pourquoi on ne sait pas comment il s'appelle, celui-là? Mais donc ça n'invite pas à saisir ce qu'il y a dans toute vie d'unique et d'insubstituable, même si toute vie est unique et insubstituable, mais à saisir ce qu'il y a en elle de semblable et de dissemblable, de comme et pas comme, donc d'égal. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup.